ça donne chaud. Ok, et ben voilà, ça y est, c'est parti. C'est la première de France Impro. Et ben voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on accueille Fastorgan pour cette première mission de France Impro. Et alors, comme c'est la première, on va peut-être expliquer un peu le contenu de l'émission. De bonne loi. Allez, donc on est bien sûr éphémère, on est super content d'être là et on est très très bien accueillis. Et voilà, c'est une émission qui est consacrée à la musique improvisée de manière générale. Alors l'idée c'est de parler de musique improvisée, c'est d'en écouter et c'est d'accueillir des musiciens qui jouent cette musique, qui font un peu une actualité et voilà, on a prévu du live sur cette émission. Et voilà, alors moi sans attendre, j'ai envie de passer la parole à Fastorgan. Je sais pas qui va prendre la parole, mais bonjour les gars, merci d'être là. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors Fastorgan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. En anglais, ça pourrait vouloir dire organe rapide, mais l'origine du nom est tout autre. Voilà. Elle restera secrète, j'ai l'impression. Ouais. Donc, c'est qui? C'est Luc Fagoaga. Et bonjour. Salut Luc. Voilà, qui est vocaliste, entre autres avec un mégaphone. Et Alexis Persigan, qui est tromboniste. Ok. Qui nous rejoint de Tours aujourd'hui. Yes. Et moi, c'est Florian, je joue du sax. Ok, donc vous êtes un trio et on peut déjà parler de votre actualité. Vous jouez demain, il me semble? Demain, à la Porte de la Fontaine. De rue Bertrand de Born à Toulouse. Ok, pour les initiés, c'est la pizzeria Belfort. La pizzeria d'avant-garde. Voilà, super ouais. Pizza, pas cher. Ouais, et avant-gardiste aussi. Hein. Avant-gardiste? Oui, une pizzeria avant-gardiste, c'est quand même assez rare pour qu'on puisse le souligner. Yes. Chez Zoubir. Voilà. Et ouais, super et lieu, donc la Porte de la Fontaine qui accueille une programmation très ouverte et un lieu vraiment agréable pour jouer. Ouais. Yes. Qui est un bon lieu, notamment pour les musiques improvisées qui sont facilement accueillies là-bas. Ok, yes. Et donc c'est à 19h lors de l'apéro dimanche, hein. Voilà. 19h à la pizzeria Belfort. Venez nombreux. Voilà, donc avec un premier set en trio et un second set à l'occasion duquel on invite Sébastien Sirotto, okay. Trompettiste. Trompettiste, figure locale, ouais, pourriez nous dire. Entre autres locales. Ok, alors votre groupe, vous existez depuis quand? Quand est-ce que vous vous êtes créé? Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, du coup, on est allé faire les stages du coup à Mulhouse où il y a un grand festival, super truc de musique improvisée. On a suivi donc le stage avec Florian, puisqu'on se connaît, on est tous les deux de Toulouse et on aime bien les choses qui frottent et on avait entre autres joué ensemble. Dans un trio qui s'appelait Super Fuchsia. C'est vrai. Voilà. C'est et du coup, comme Flo m'avait du coup invité, m'avait dit tiens, il y a ce truc là. Donc on était parti. Et du coup, on a fait le stage d'Axel Dörner où on a vu un petit rayon de soleil. Moi j'étais venu seul et je cherchais de la compagnie. Non, j'étais. Et puis du coup, on a fait le stage ensemble. C'est plutôt pas mal passé. C'était très cool. Et peut-être six mois après, on s'est recroisés, non? Bah en fait, on a eu envie de continuer en trio, voilà. Parce qu'à l'occasion du stage, les quelques sessions qu'on a pu faire à trois, on s'est rendu compte que le trio marchait super bien, et moi, jouant déjà avec Luc à Toulouse régulièrement, on a eu envie de continuer avec Alexis, et puis c'est pour nous, c'était un peu la première expérience de groupe un peu éclaté géographiquement. Mmh. Et voilà, c'est intéressant, ça fait un pont entre Toulouse et Tours. Ouais. Et donc, on profite des occasions de se trouver à Tours ou à Toulouse. Ouais, du coup, c'est globalement bonjour, tous les 5-6 mois, il y a une sorte de... On se croise tous les 5-6 mois, entre soit plus souvent ici qu'à Tours, mais du coup, c'est assez écarté dans le temps et c'est... ça fait aussi partie du truc un peu, j'ai l'impression. Chacun fait un peu ses... Chacun avance dans un sens et puis on se recroise. C'est pas la même chose. Ça avance, c'est pas des répètes régulières avec un répertoire, par exemple. Mais c'est ça qui est aussi intéressant dans la musique improvisée, c'est que finalement, nos vies, nos, nos, si on n'est pas tout le temps ensemble, ben on se nourrit, on n'a pas besoin, du coup, même si on travaille énormément chez nous, avec d'autres gens, toutes les expériences nourrissent aussi notre trio, quoi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de musique où on peut avancer sans être vraiment avec les gens au jour le jour, enfin, sans te parler de répertoire, toutes ces choses-là, c'est très appréciable. C'est comme se re-rencontrer, on joue, puis ça fait « Ah ouais, j'ai fait ça dans ma vie, machin, bidule, ouais, c'est cool », et du coup, on est tous là, ouais, on n'a pas besoin, et... Enfin, c'est hyper appréciable. Moi, je me souviens de répète, on s'est vu une heure et on a fait des trucs assez dingues. C'était rigolo. C'était super, quoi. Il était là, juste il avait pris le train, on a répété, puis au revoir. Et on était là, waouh, on s'était pas vu depuis 6 mois. Super, quoi. Enfin, c'est un des vrais bonheurs de cette musique-là, quoi, finalement, quoi. Mm-hmm. De pouvoir partager des choses avec finalement des gens que tu. Même des gens que tu connais pas du tout, tu montes sur scène avec eux et puis t'es là, waouh, il se passe vraiment un truc sans tout ce côté. Apprivoiser la personne, toutes ces choses-là, vous prendre du temps, enfin voilà, il y a vraiment, c'est vraiment appréciable, quoi. Moi j'aime bien cette musique-là, c'est des rencontres aussi, quoi, qui font la musique, quoi. Et du coup, comment vous la travaillez, cette musique-là? C'est important, je pense, qu'on... Ensemble ou chacun? Ouais, alors on peut parler des deux, je pense. Ouais, on peut parler des deux. C'est intéressant de savoir, parce que du coup, c'est... Moi, je pense que c'est du coup une émission qui s'adresse à des musiciens qui peut-être déjà cette première émission vont nous écouter, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que la musique improvisée ou à qui ça n'évoque pas grand-chose ou alors un truc vaguement contemporain, un peu barré, etc. Et ça va être intéressant de questionner un peu les gens du coup individuellement, mais aussi les groupes. Comment, par exemple, vous, est-ce que vous fixez des contraintes, des choses comment ça naît votre musique? C'est quoi la genèse de votre... Par exemple, quand on se croise pendant une heure à Toulouse, ben, on joue point bas. Et puis des fois, on s'est vu pendant 3 jours avec plus une idée de travailler quelque chose. Et en fait, c'est sûrement là aussi que le truc progresse, mais c'est là aussi que ça devient le moins évident. Parce que du coup, y a peut-être des choses un peu plus difficiles. En gros, on se retrouve confronté à un peu certaines limites, quoi, et du coup, on est obligé de se mettre à réfléchir. Ouais, c'est pas acquis non plus l'impro. C'est vrai qu'il y a des fois où ça marche pas aussi, mais du coup, fait partie aussi du. Bon, ouais, je crois qu'on essaye de travailler un peu comme nous a montré Axel, Dorner, de se mettre pas des choses, mais enfin, il y a plein de façons d'improviser et de travailler ça. C'est vrai que nous, on aime bien des fois se mettre des contraintes qui sont. Des nuées de scénarios, de ces choses-là qui sont enfin très très dans le son, très très très, très concrètes, quoi. Mais dans le cadre d'un truc où on met une étiquette de travail un peu dessus, voilà, quoi. Ouais, exactement. C'est pas après, quand on se voit comme ça, on essaye, je pense, d'oublier ces trucs-là. Après, dans la technique personnelle, je crois que ça appartient à chacun. Tout le monde vient d'univers différents, c'est ça aussi qui est beau, du coup, de pouvoir jouer avec des gens qui viennent du free jazz, de la musique contemporaine, de la musique traditionnelle. Moi, personnellement, je m'estime un peu entre les trois. J'aime bien aller voir des techniques de chant du monde traditionnel. Et puis, comme je viens du théâtre aussi un peu, de travailler ces choses-là. De mettre des contraintes aussi, ça fait partie des choses... Qui me font avancer, quoi. Les gars, on s'écoute un peu de musique, peut-être. Ouais. Le temps que vous vous installiez, je vais passer un morceau, on dira ce que c'est après. Et après, on enchaîne avec un petit live. Voilà, donc ça c'est Jean-Michel à la technique. Et il y a également Dominique Eve qui est à la technique avec nous. Et Mika qui nous aide à préparer cette première émission. Merci Mika. Du lac et devant de vent. cliquer sous le même. Cependant, millions et millions d'hommes s'en vont en mort. Nous venons de... Vous êtes sur France Impro. Impro. C'est ça, c'est l'émission imprévisible. Luc, c'est toi qui nous a proposé ce morceau. Ouais, c'est donc un morceau de quelqu'un qui m'a pas mal inspiré, du coup, qui s'appelle Benia Tachari, qui vient du Pays Basque. Du coup, il est accompagné par Ken Carter et David Holmes. David Holmes qui s'est perdu en Soul, qui habite à Saint-Palais maintenant, en anglais, comme ça. Et cet album est un peu free, quoi, du coup, c'est pas vraiment de la musique improvisée, on sent qu'il y a quand même une pulse et les mecs le poussent au cul, là, avec la contrebasse et batterie. J'aime beaucoup cet album, c'est un album qui m'a fait découvrir Benyat, quoi. Du coup, c'est vraiment la première personne que j'ai rencontrée, que j'ai rencontrée musicalement au niveau de la voix. Du coup, je l'ai rencontrée physiquement aussi après. Ouais. D'accord. Et c'est quelqu'un qui m'a fait redécouvrir aussi tout le répertoire du Pays Basque, qui est un peu fou, qui passe vraiment pas vraiment sur les radios. C'est loin des clichés de toutes ces choses-là. Mmh. Et c'est quelque chose qui nourrit énormément ma pratique, quoi. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi ce morceau. Super, on écoutera d'autres morceaux et puis on vous entendra. Alors là, du coup, tout de suite, c'est le live Fast Organ Trio chez Éphémère. Thank you. Merci. N'éteignez pas votre radio, ça déconne pas. C'était Fast Organ en live chez Éphémère, en trio. Luc Fagoaga au mégaphone, Florian Astorg au sax baryton et Alexis Persigan au trombone. Merci les gars, c'est une drôle d'ambiance, c'est chouette de la musique improvisée à la radio. On est là dans le studio. Ah ouais, c'est le réveil de samedi matin avec cette ambiance. Ça respire. Ça respire. On le retrouve demain soir à 19h, porte de la Fontaine, pizzeria Belfort. Prix libre et nécessaire. Enfin, qu'est-ce qu'il faut vous dire. Merci. Merci, ouais. C'est toujours délicat de, moi je trouve, de parler de musique improvisée juste après une session, de se dire un peu ce qu'on en a pensé. Alors du coup, dans un cadre de travail, on a des repères desquels on va parler, des mots qui nous viennent en tête et qui font un peu avancer le répertoire avec plein de guillemets. Moi, je voulais juste parler un peu de comment commence un morceau de musique improvisée, comment ça se termine. Peut-être que ça pourrait éclairer un peu les gens sur la démarche, parce qu'on ne sait pas, a priori, comment ça commence. On ne sait pas comment ça se termine. Et quand ça se termine, est-ce que vous voulez dire quelques mots à ce sujet ? Alors j'ai l'impression que tu viens de donner la réponse. Ah mince. En fait, c'est une question sans fin. On sait jamais comment ça commence, on sait jamais comment ça se termine. Alors comment on le... À moins qu'on le décide. Ouais. Ouais. Et c'est un peu le... C'est un peu le jeu de, le, ouais, de l'impro, là, ou comme on la pratique là en tout cas, c'est voilà, on part, soit avant on s'est donné peut-être une direction de jeu vague ou un scénario ou une intention au préalable, soit rien. Là, dans ce qu'on vient de jouer, c'est... Il y a juste le temps imposé par... Enfin, une durée entre, on va dire... 5 et 10 minutes. Voilà. Du fait que là, soit à la radio, etc. Ouais, c'est peut-être le seul cadre qu'on a. Mais ça définit quand même des trucs, quoi. Ouais. Mais sur la matière, les choix de jeu, là, c'est. C'est sur le moment, quoi. Ça se décide. Et alors, du coup, ce silence qui précède un peu le morceau, chose super important, du coup, dans cette musique-là. Il y a deux écoles. Ah ouais. Vas-y. Mais. Ouais, c'est un peu peut-être une habitude qu'on prend aussi, mais ça permet de peut-être de démarrer l'écoute avec des oreilles vierges, de partir du silence et de bien identifier le début, le moment où on rentre dans le son, et à la limite on est déjà dans le son avant de jouer dans ce silence-là, quoi. Idem pour la fin, mais c'est pas... Là, c'est là comme ça. Aujourd'hui, ça peut être une habitude, mais c'est pas une vérité non plus, quoi. Personne décide que ça doit être comme ça. Oui. Ça, je crois que c'est pour tous les aspects de la musique, en tout cas la pratique improvisée. Ouais, tu peux faire le choix de décider de telle ou telle chose, mais tu peux faire le choix de rien décider du tout. Et peu importe, en fait, c'est toujours ouvert. Il y a toujours la place pour tout. Pour tout. Ouais. Pas de règles. C'est ça. Ok. Ouais, si, ça peut. Ou pas. tu vois. On comprend plus, tu vois. Les silences aussi, c'est un moyen de dire ben, le morceau commence avant et une fois qu'il est fini au niveau du sonore, eh ben, il continue aussi. Il y a toujours ce laps de temps. Quoi. Là, on a eu des fins qui auraient pu être possibles. Il y en a qui ont continué. Voilà, aussi, c'est ça aussi l'impro. T'es pas sûr à 100%, c'est ma faute. Hein. T'as des noms? Ouais, moi je me suis. Allez, on balance. J'aurais pu arrêter, mais j'ai continué un moment. Ouais. Ouais, y avait une belle fin que j'ai. Ouais, mais qui était possible. On est sur une forme, voilà, qui est pas répertoriée, ouais, du coup, possiblement. Mais bon, ça fait partie de l'impro aussi, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, tu dis bon, allez, c'est fini, tu dis bah voilà, on passe à autre chose. T'es encore, tu vois, dans la résonance de ce que tu viens de faire, donc est-ce qu'il est fini le morceau? Voilà le silence, pour moi, je l'explique aussi comme ça. Après, ça peut être du silence qui joue aussi. Effectivement, ouais. Bon, la radio, c'est peut-être moins évident, je sais pas. Quoique. Ouais, il y a un côté aussi important pour moi qu'on peut pas avoir là, c'est le côté aussi. Direct d'un instrument et d'un instrumentiste quand t'as un groupe qui joue vraiment en face de toi, quoi. Ou du coup ce silence, il a pas un même poids, la forme, elle a pas un même poids, les sons ont peut-être plus d'empreintes sur la personne qui les écoute, du coup forcément le silence en a plus aussi, et ça fait, enfin, il y a plus de... D'accord. Okay. Je trouve. Tu veux dire qu'en concert, du coup, devant un public qui voit les musiciens observer un silence qui est peut-être... Je sais pas, en tout cas, moi, quand j'ai un groupe en live, vraiment en live avec les musiciens en face de moi, il y a plus de... Il y a un truc en plus qui se dégage, quoi. Et du coup, le silence, il a plus de profondeur que là, quoi. Oui, d'accord. Ouais, c'est la présence, en fait. C'est la présence, ouais. Du coup, d'observer les musiciens eux-mêmes dans un état de recherche, ne pas savoir si ça continue ou si ça s'est arrêté, c'est quand même assez jouissif de voir, ouais, ça sur scène, en effet. Sur le fil. Ouais, et puis on va mettre une source aussi derrière aussi, ça aide aussi, quoi, quand même. À l'écoute aussi, au début du moins. Remettre quoi? Tu vois, tu te dis, ah ouais, c'est lui qui fait ce son-là, c'est lui qui fait machin aussi. Moi j'aime beaucoup quand ça m'arrive, par exemple, je vois un groupe qui joue et... Tu sais pas qui fait quoi, mais tu vois, c'est trois types quand même qui fait ce truc-là, mais il est où, quoi? Ouais. Tu vois, t'as ce truc quand même, quoi. Oui, c'est vrai. Tandis que peut-être pas sur un CD, ce qu'on appelle acousmatique, tu vois, quand il y a la source qui est coupée, qu'on voit pas, c'est pas le même rapport que tu as au vis-à-vis du son, quoi. Et moi, je voulais juste t'interroger, Alexis, sur la scène musique improvisée à Tours, puisque tu es là, tu viens de Tours. Si tu peux nous en dire juste deux, trois mots, et puis peut-être qu'on parlera aussi de la scène musique improvisée à Toulouse. Parce que, carrément, ouais. Moi, ça fait 3 ans que je suis à Toulouse et je suis assez épaté des multiples endroits où on peut pratiquer cette musique, l'entendre. Ouais. C'est chouette. Je sais pas si tu veux. Eh bien, oui, il se passe des choses à Tours. C'est une ville plus petite que Toulouse, donc forcément, il se passe pas les mêmes choses, mais. Il y a quand même une bonne activité par rapport aux dimensions de la ville, mis à part une salle, disons, qui a le tampon officiel, une salle qui s'appelle le Petit Faucheux, où il se passe des choses. Il y a aussi des initiatives plus qui viennent de collectifs, voilà, donc des choses plus peut-être moins soumises à une programmation, entre guillemets, une ligne éditoriale ou un truc comme ça. Du coup, il y a des... Ouais, il se passe des choses dans des cafés, dans des endroits. Il y a des et puis en ce moment, particulièrement depuis un an, il y a un collectif qui se monte, qui rend les choses aussi un peu plus dynamiques qu'elles étaient. Ah ouais. Enfin, je sais pas quel. Ça s'appelle le Capsule Collectif et je vous invite fortement à vous renseigner sur ce magnifique collectif. Sur Internet, c'est visible. Donc Visible sur Internet, audible également. Le mieux, c'est de faire le déplacement quand même. D'accord. Mais oui, il se passe des choses. Quoique les groupes du collectif Capsule, eux aussi font le déplacement. Ouais. Ça arrive qu'on ait bien l'occasion de les voir ici à Toulouse. Ouais. Il y a vraiment des ponts qui se font. Enfin, nous, on est dedans, là, on s'en rend compte peut-être plus facilement. Mais entre Toulouse et Tours, ouais, il y a de beaux échanges, quoi. Et à Toulouse, du coup, entre les groupes, entre autres. Et du coup, à Toulouse. Oui. Oui. Quoi donc ? Qu'est-ce qui se passe à Toulouse ? À Toulouse. Il se passe plein de choses. Il y a, je sais pas. Ouais. Les lieux, les musiciens. Non, ouais, tout à l'heure, on va faire une petite prog. Jean-Michel nous parlera un peu des futurs concerts le mois prochain, quoi. Mais après, je pensais plutôt à notre usage un peu de la ville. Qu'est-ce qui peut se passer ? Où est-ce que ça joue ? Et puis, quel endroit on peut. Voilà. Ben déjà, il y a quelques collectifs, il y a déjà des pontes aussi. Je pense à Michel Doneda, quand même, qui est connu internationalement. Après, dans la vie toulousaine, il y a plein de gens qui. Tu vois, la fraction, tous les gens, on s'est plus ou moins rencontrés à l'atelier de Marc Demereau, tu vois, qui fait un super boulot, et un super musicien aussi. Du coup, il y a vraiment ces chances-là qui sont sorties de là. Il y a peut-être des gens comme Eddy qui ont fait les sonophages aussi, c'est quand même de l'extérieur, moi qui suis pas de Toulouse, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lieux aussi un peu pas seulement de diffusion, mais des lieux de rencontre pas mal, comme le Ring, où j'ai jamais mis les pieds, mais j'ai pas mal entendu parler des lieux de rencontre, des lieux de rencontre, de croisement, tout ça. Là tu parles du Ring, c'est l'IREA, je crois, c'était l'IREA. Ah, c'était, ça a changé. C'est fini, je crois. Oui, l'activité de l'asso en tant que telle n'existe plus. J'espère que j'ai. Mais il y a des sessions, une session par mois, c'est le samedi après-midi. Ok. Au théâtre du Ring à Toulouse. Donc là, c'est un espace ouvert aux rencontres musicales, plastiques, danse, peu importe en fait les disciplines. Mais il y a un temps de pratique ouvert le samedi après-midi en fait pour qui veut. Et réellement d'expérimentation, du coup. Ouais, voilà. Le labo des sonophages aussi. Je sais pas à quelle fréquence. C'est une fois par mois. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un peu les espaces de jeu ouverts à qui veut. Après, y a des initiatives qui se font aussi... on peut investir n'importe quel lieu, à vrai dire, dans la ville, quoi. Vu qu'on joue avec le son, en fait, toutes les acoustiques sont les bienvenues. On peut tester. Il y a cette pratique-là aussi de jouer, tester les ponts, les choses, les lieux un peu résonnants. Là, c'est. plus dans une démarche de recherche d'acoustique des lieux. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a une vraie dynamique, c'est vrai aussi à Toulouse quand même, il y a vraiment un noyau, il se passe des choses, c'est vrai, la musique improvisée en tout cas. Ouais. Yes. Pas mal de lieux, on va dire alternatifs ou underground, quoi, qui permettent de... On parlait de la Porte de la Fontaine, il y a le Pavillon Sauvage, il y a la Manita Muscaria, des lieux qui accueillent comme ça. Entre autres les musiques improvisées, mais beaucoup d'autres choses. Nous, ça nous permet de jouer régulièrement, et je pense que ça participe aussi au fait qu'il y ait beaucoup de musiciens qui soient actifs dans la ville, quoi. C'est des bons supports. Et, après, il y a tu parlais du Petit Faucheux à Tours, il y a un peu l'équivalent ici en programmation officielle autour de ce qu'est jazz contemporain, musique impro, c'est un pavé dans le jazz qui fait une super programmation. Toute l'année avec de programmation nationale voire internationale aussi un soutien aux groupes locaux, quoi. Ça c'est important. Tout ça, ça permet de maintenir la scène en vie, quoi. Yes, je propose qu'on s'écoute un morceau, ouais. Alors du coup, on en parle après. Ouais. On le passe et Thank you. Vous êtes sur France Impro. Re-salut, on est toujours à FMR pour France Impro et on vient d'écouter un morceau que tu as proposé, Florian. Ouais, c'est Axel Dörner, qui est un trompettiste allemand. Donc là, c'est un album solo qu'il a enregistré. Voilà, comme on a pu entendre, qui travaille beaucoup sur le timbre, la durée, enfin, voilà, c'était de la trompette. Tu peux bien le préciser. Voilà, et ouais, je voulais qu'on écoute un morceau d'Axel Dörner, puisque c'est autour de lui qu'on s'est rencontrés tous les trois, on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, ça résonne particulièrement aussi, puisque c'est un des musiciens que j'ai découvert au moment où je suis vraiment rentré complètement dans la musique improvisée. À l'époque, c'était il y a quasiment 10 ans, dans un festival à Parthenay qui n'existe plus, qui s'appelait NPAI, festival très important, et ça a été une période un peu de grande découverte où je me suis fait un peu submerger par ces musiques-là. Et donc, Axel Dörner était de la partie. Il est toujours au charbon, là, c'est quelqu'un qui joue énormément internationalement et qui a une voix vraiment particulière. Ouais. Yes, merci. Alors, tout de suite, une lecture, voilà, je me prête à l'exercice et on s'est dit, tiens, ce serait pas mal d'abonder de textes et puis de faire part du travail de certains genres. Là, c'est le travail de Lee Kuan Yin, qui est un percussionniste assez connu sur la scène de la musique improvisée et de la musique contemporaine également. Voilà, et c'est un abécédaire, ça s'appelle Improviser librement et abécédaire d'une expérience. Voilà, c'est assez compliqué de trouver le bouquin, mais il me semble que sur son site, on n'est pas trop sûr, mais... Il y a un lien pour le commander, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, alors, on va commencer à A. Je me dépêche parce qu'on n'a plus trop le temps. Abandon. Que faut-il abandonner pour se mettre à improviser librement? Le faut-il? Ne faut-il pas laisser ce que je sais pour de bon? Mais où dénicher ce que je sais? Comment observer ce que je sais pour pouvoir l'identifier, puis l'éviter? Et que faire si ce que je sais ne se laisse pas abandonner? Dois-je accueillir ce que j'ai abandonné s'il a pris un autre aspect? Dois-je me contenter de variations? Vais-je me retrouver seul dans l'acte d'abandonner? Dois-je accepter cette solitude dans la fatalité de cet abandon? Comment me déplacer en moi pour accepter le peu qui reste une fois abandonné ce que je sais? Vais-je me contenter de cette nouvelle frugalité? Vais-je nourrir de la nostalgie pour ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que je rassemble dans l'abandon? Est-ce que je me rassemble? Mais puis-je me rassembler si je m'efforce de tout oublier? Est-ce que la mémoire fuit de la boîte dans laquelle j'ai voulu l'enfermer? Est-ce qu'elle rayonne malgré moi, malgré elle? Devrais-je accepter d'échouer dans l'abandon, d'échouer à vraiment tout abandonner? Dois-je me contenter des transformations subies par ce que je sais dans la tentative de son abandon? Aurais-je une réponse à ces questions? Puis-je nourrir l'intuition qu'elle se pose dans l'acte même du premier geste? Devrais-je commencer à sentir que ne pas savoir, c'est commencer à improviser? Voilà, texte de Lee Kuan Yin, c'est un A, la prochaine fois ce sera B, etc. Voilà, je vous laisse la parole les gars pour... On se fait l'agenda ? L'agenda culturel de la musique improvisée. Ouais, alors, l'agenda génial. Toulousain et aux alentours. Alors, comme on en dit tout à l'heure, demain soir, 19h, il y a Fast Organ. Donc, les copains qui sont là avec nous ce matin, c'est Luc Faguaga, Florian Nastorg et Alexis Persigan, à la Porte de la Fontaine. On vous recommande ce concert. Ouais, vraiment. Ouais, demain super. Soir. On a déjà vu. Le 12 octobre. Le 15 octobre, Amor Fati Trio. C'est des copains aussi avec Laurent Abizou, Frédéric Cavalin et Guillaume Petit, respectivement guitare, batterie, saxophone. C'est à 20h30, également à la Porte de la Fontaine, Pizzeria Belfort, participation libre. Le 16 octobre, du 16 au 18, il y a un truc qui s'appelle un atelier, les rescapés de la télé. C'est au Pavillon Sauvage, j'ai l'impression que c'est intéressant. je pense qu'on va rigoler là. Il y a des ateliers. Et il y a des choses aussi le 19, en fait, en tant que restitution, je crois. Donc ça va être... voilà, il y a des choses à aller voir au Pavillon Sauvage, c'est au minime. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est rue de Chaussas. Et c'est un endroit à fréquenter régulièrement. Ensuite, au Tchouss, c'est le 16 octobre. Il y a le concert VET et VET plus Nastorg, Florian. Donc on avec beaucoup, Eddie, avec Frédéric Vaudou à la batterie, Eddie Boubaker à la basse. À 20h, entrée libre. Au Tchouss, c'est en centre-ville à Toulouse. Ensuite, le 18 octobre, c'est à l'atelier d'Eau Vive, dans le quartier des Minimes à Toulouse, c'est à 19h. C'est une performance qui s'appelle Le Monde des Possibles, par Virginie Lédin, avec une installation qui s'appelle Le Monde des Possibles, en effet, et avec un groupe invité de musique improvisée qui s'appelle La Fraction Grossière. On va en dire quelques mots, parce que c'est nous, en fait. Donc c'est un groupe qui s'est constitué il y a combien, presque 3 ans maintenant. C'est ça. Autour d'un atelier justement de Marc Demereau. Un musical. Un musical, ouais. Et donc il y a 8 musiciens dans ce groupe-là. Je ne sais pas si on les cite tous, mais... On peut. Non, mais voilà, il faut... On peut citer le site. On peut citer le site, par contre. Qui est-ce qui le connaît par cœur pour aller écouter? Alors, je l'ai noté. Du coup, j'en profite pour dire que l'émission sera podcastable sur le site de La Fraction Grossière. Alors, La Fraction Grossière, ça s'entend. .momentiel, .momentiel.net. C'est pas encore super bien référencé sur Google, mais grâce à Éphémère, on va tout cartonner. Ouais, c'est clair. Donc, c'est le 18 octobre, à partir de 19h, entrée libre. Le 19 octobre, donc, ce sera dimanche. Les rescapés de la télé, toujours, donc on en a parlé, c'était toujours au Pavillon Sauvage, donc ça c'est la fin de ces ateliers. Le 23 octobre, il y a un concert Macno avec Rejef, Bouhanna et Boubaker, donc respectivement Vielaroux, batterie, synthé modulaire. C'est à 21h et ça c'est au collectif IPN. Est-ce que quelqu'un connaît ce collectif? C'est rue des Jumeaux, à Toulouse. Oui, c'est à Bonnefoy. À Bonnefoy, d'accord. Ouais. Donc ça va être bien, ça, j'ai l'impression, parce qu'il y a des gens qu'on connaît. Macno, je le recommande vivement. Ouais. Mais soyez en forme, ouais, pour l'écoute. Ok, et puis pour clôturer le mois d'octobre, ce sera le 26 octobre, il y a un concert Falzar Walking Rodriguez. Donc c'est des copains aussi qu'on a là ce matin. Ouais. Qui veut en parler? Allez, j'en dis deux mots. Luc? Bah, Falzar, oui, déjà, c'est toi qui as trouvé le nom. Ouais, c'est moi qui ai trouvé le nom, voilà, Falzar. Ben, écoute, on est trois, hein, vas-y, hein, je te sens... je veux pas te couper la priorité. J'adore dire ton prénom, donc merci. Luc Faguaga, voix et mégaphone, avec Youssef Gazal à la contrebasse. Qui est présent. Et moi, salut. Donc Florian Nastorg au sax. C'est un concert à l'Arène, un lieu qui accueille... des concerts de manière très irrégulière, et donc c'est bien comme ça. Et le lieu réel du concert sera dévoilé seulement au moment de jouer, quelques minutes avant. Voilà, et donc le trio invitera Walking Rodriguez à la trompette pour un second set. Voilà. Et pour clôturer, il y a le 3 décembre également. Et ouais, c'est tout frais, ça vient de tomber, c'est Grand Piac. Grand Piac, oui. Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir si c'est en... On y reviendra lors de la prochaine En décembre, mission, ouais. Une espèce de gros orchestre de frille. D'accord. Ce sera au Pavillon Sauvage, à Toulouse. Voilà. Donc, on se fait une petite session live pour clôturer. Oui. Est-ce qu'on a des choses à dire avant? Parce qu'on va finir sur la session live. On est très content. Je crois que non. On est toujours sur FMR, 89 points. J'espère que vous aimez cette émission. Ça vous a plu ce matin. Pour nous, c'était la première. On se retrouvera le 8 novembre, même heure, même endroit. Donc à partir de 10h, samedi 8 novembre, pour France Impro. Et voilà, donc on termine l'émission avec Fast Organ qui clôture. On vous dit bye bye et à bientôt. Yeah. Imaginez que Dieu existe. Je dirais, oh Dieu, tu te bouges le cul ou quoi? Oh, fais péter les glaçons dans le pastis. Voilà ce que je lui dirais, quoi. Yes. Album est enfin lâché, mec.